enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Et l'éternité ce soir se trouve à CKRL, le 89.1 à Québec. Bonsoir, bonjour, bonne nuit, dépendant de votre fuseau horaire. Et moi, faut que je te raconte. Oh, ça commence bien, on veut déjà nous raconter des histoires. On veut nous monter des histoires. Il faut que je vous raconte. Ben, raconte. Racontez, madame. Oui. Mais je tiens à dire que votre public est vraiment très, très beau. Vous êtes encore entouré d'êtres exceptionnels, autant intellectuellement qu'intérieurement. Et on les embrasse, hein, si on peut, ben, un par un. On n'a pas beaucoup d'auditoires, mais ceux qu'on a, c'est des vrais, des fidèles. Fidèle, je suis resté pour toi, fidèle. Et avec moi, nous sommes des détournelles. Des oisillons tombés de nez. Nippons! Non, mais les nippons nient. Les nippons nient souvent la provenance de leur objet. Oh non, ah non, ça vient pas de ton con. Oh, ça vient pas de ton con. Hé, nippons, nipponnes, ne cherchez pas à cacher. Nous pouvons les lire. Made in King Kong. Attention, King Kong est encore dans son hublot. Au-dessus de la tour Eiffel. King Kong de lire. King Kong de lire. King Kong de lire. King Kong de lire. King Kong, King Kong, King Kong, King Kong, King Kong, King Kong, King Kong de lire. Comment ça va, vous autres? On ne racontera jamais l'histoire de madame, mais elle est tombée dans 102 connaissances. À travers ça, elle en connaissait seulement un. Son ancien mari, il ne veut plus rien savoir d'elle, monsieur. Puis, c'est pas la dame courriel, ça. Elle ne connaît absolument rien dans l'informatique. Elle sait même pas comment ouvrir une bouteille. Une bouteille de champagne. Oh non, elle, c'est non, moi, je vais prendre ma petite boisson gazeuse. Ma boisson qui gaze, qui me fait gazer, puis je me sens très heureuse. Ah, oh, ça gaze, ça gaze. Bon, OK. Excusez-moi. Il avait tout pour être heureux. Là, je veux revenir sur un événement triste de la colonie artistique d'il y a quelques mois. Le 11 août 2014, se pendait Robin Williams. Donc, l'émission tournera un peu là-dessus souvent. On y reviendra avec des petites chansons. Vous verrez. Il avait tout pour être heureux. Ça, c'était dans nos journaux québécois, hein? Mais qu'est-ce que ça prend pour être heureux? C'est important de savoir, là. Qu'est-ce que ça prend pour être heureux? Là se forme une question importante. Tout se trouve à travers les valeurs que chacun véhicule. Il faut s'interroger personnellement, et je dis personnellement, sur cette thèse pour en tirer ses propres conclusions. Car sérieusement, là, non mais c'est une émission sérieuse, sérieusement, comment peut-on écrire « Il avait tout pour être heureux » ? Et là, je sais qu'on se réfère souvent à l'argent. « Ah, ben, je vois pas pourquoi il s'est suicidé, hein, il avait l'argent. Il était riche comme Bezos. Ah, mon, comme Bezos. Il met tout ça, lui, tout dans sa besace. Les blagues étaient dans sa besace. Son argent était dans sa besace. Sa coquetterie était dans sa besace. Son son flocon d'espoir était dans sa besace. Tout était dans sa besace. Il avait tout pour être heureux, lui. Il avait la besace. Ah, c'est... la besace... Oui, madame. Souvent, la besace basse, mais au moins la besace. Puis ça, c'est très important de l'avoir. Qu'elle soit haute, qu'elle soit basse, ayons notre besace. C'est important, ça. On dit des vérités, là, à l'heure où on se parle, à minuit 12 et 20 secondes, gardons notre besace près de notre ventre ou du côté de la besace. Quoique le côté de la besace est souvent du côté du cœur. Moi, j'ai le cœur, Monsieur Tremblay, m'a vous raconter ça parce que c'est important de divulguer ça aux gens. Aux gens, excusez-moi, j'allais dire aux gens, aux gens. C'est que moi, j'ai le cœur, là, en haut du tibia. Ah oui, hey, je cours mes 300 km par jour, là. Puis quand je m'arrête, là, je sens mon cœur qui bat dans le tibia. Il y a le rythme, hein? J'ai inventé, hey, non, j'ai composé des chansons là-dessus, quand même. Captain Bonhomme part en voyage. Captain Bonhomme vers d'autres rivages. Captain Bonhomme, amène son vieille. Partons, la mer est belle. Vas-y, Popeye, vas-y, Robin, Robin, Robin. Tu sens la Robin Williams. Bon, et puis, on a d'autres choses à vous dire, là. Les pages sont collées, c'est pas bon signe. Rénal s'est peut-être approché du texte. Et quand lui... Quand Rénal se rapproche du texte, surtout des pages, des feuilles, il a tendance à gommer. Ça, c'est son grand problème. Sa maladie mentale, il gomme. Il gomme le petit Rénal dans le cœur de l'humour de 7 à 77 ans. Il cherche la réplique insolente qui unit dans ses textes des choses drôles, des choses tristes. Il sait où s'est trouvé le sens à la dire. Quel succès. La détresse, ça n'existe pas. La détresse, si triste du clown, on reprend. Moment de tranquillité, de solitude, j'ai pas mon sifflet. La détresse de... Allez-vous, ma belle Rita Hayworth? Oui, on doit repasser sur Rita, c'est quoi de le dire, là, Rita Hayworth? Il n'y a pas d'erreur là-dedans, elle aussi nous a quittés au mois d'août. Il s'est passé des choses en 2014, là, de très, très, très triste. Une grande actrice, au moins, elle s'est rendue à terme. Pas facile de se rendre à terme en 2014. Pas facile. On se demande tout le temps. Et moi, si je me couche, là, est-ce que je serai à l'horizontale ou à la verticale? Et là, mon Gaétan, pose-toi pas trop de questions, parce que selon moi, si tu ne fais pas à la version Claude Meunier, qui est un humoriste québécois, tu dormiras à l'horizontale. Et l'horizontale t'amènera des horizons de rêve. Oh, des horizons de rêve. Des beaux horizons. Et si tu les laisses passer dans ton cervelet, avant de passer, parce que là, c'est deux tris. Hein? Le cervelet va capter le premier rêve. Le cerveau va essayer de voir si tout ça peut se dénuder, se déhancher, s'amener dans d'autres sentiers pour que tu te réveilles le lendemain. Pourquoi j'ai dû ça dans ma... Hey, voyons donc, ouais. Oui, oh, j'ai jamais tombé en amour avec ma mop. Je l'aimais bien, ma mop, là. Je l'avais achetée comme ça, là, d'une manière impulsive, mais je pensais pas que j'allais un jour commettre le pire. La police va frapper à ma porte. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit de connaître très sérieusement et très, comment dire, madame, hein, pour être poli, là? Non, mais je veux pas dire les vraies affaires, là, pour la connaître très intimement, la mop. Ah, oh, moi, je dis que c'est elle qui s'est attirée vers moi. J'ai le cheveu qui ressemble à la mop. Elle voulait me mopper. Ah, oh, elle voulait me mopper. Elle s'est dit, voyons, regarde-moi ça. Son visage est de la boue. Ses cheveux m'attirent. Allons-y. Allons à genoux. Nous irons vers le plaisir. Ah, oh, mon Dieu, quel plaisir avec une mop. Je vous compte, monsieur, vous êtes seul depuis combien de temps? 2 heures? Achetez-vous une mop. Demain, là, tout le monde, là, tous les hommes, même les femmes qui aimeraient vivre des affaires, tu sais, les femmes, j'adore ça, moi, je n'ai rien contre que les femmes aiment les femmes, mais si vous voulez, je ne sais pas, sans avoir le discours de l'homme, ma voiture pour pas, mais si tu veux juste connaître comment fonctionne un homme, achète-toi une mop. La mop et l'homme, là, on n'est pas. Ah ouais, mop à l'homme. Quand j'étais petit, c'est ça, j'en ai trop mangé de ma palombe. Mange ton ma palombe. Oh, j'aime pas ça, du ma palombe. Ben, tu vas manger du gruau, oh, ma palombe. Oh. Non, pas blom, là, très peu pour moi. J'en ai régurgité, au moins, il m'en faisait manger 2 onces. J'en régurgitais 6. À travers ça, ben, je digérais pas très bien le champagne à l'époque. Aujourd'hui, ça va très bien. Pardon? Non, le champagne. Non, pas... non, l'autre, j'en laverais, là, la liquide. Elle est très liquide, elle aussi. Là. Oh, mon. Je l'ai connue quand elle était là-bas, là, elle. Mm. Tout le monde était amoureux de cette fille-là. Puis, durant les festivités, on se disait, oh, oui, il y avait toujours des enfants. Oh, oui, pas elle. Ben oui, c'est elle. La détresse si triste du clown, seul en piste. La liste des blagues semble une vague sensation de délester le port pour se lancer vers la mort. Je présume qu'il vous cherche sans en parler. Il suit perle à perle votre piste. Vous le disiez arrogant, mais lorsqu'il aborde et lorsqu'il arbore ses gants blancs, il vous fascine et vous séduit. Étrange petite gamine. Alors, je reprends le texte, mais étrange petite gamine n'existait pas. C'est de l'improvisation. Moi, le gars... J'improvise. 1, 2, 3. Ça, c'est improvisé les chiffres. 1, 2, 3. Moi, là, je peux me rendre jusqu'à 2000. 1, 2, 3. C'est improvisé. C'est de l'esprit. Le sens de l'esprit bain. Moi, je me place autour des nénuphars dans un bain d'amour. Là, vous allez me dire comment on fait pour avoir un bain d'amour. Vous plongez toutes les amoureuses que vous voulez avoir. Là. Les amoureux. Non, mais ça dépend, là, ce que vous voulez. Et tous les gens qui vous attirent. Vous les placez dans un bain. Un peu comme le ragoût, les petites patates. C'est bon, les petites patates. Tu les mets tout en même temps dans le ragoût. Puis là, à un moment donné, quand tu vas le partager, là, ça, c'est mon ragoût livré pour vous, ça, c'est mon ragoût livré pour... À chacun, là, je sais pas, moi, j'étais 12 dans un seul, parce que j'avais mes 12 plats. Hey, voyons, il me semble qu'il y a quelque chose, là. Il y a une envie pressante de localiser... Celui qui cherche à manger 12 fois le même plat. Il y a un merveilleux plateau qui contient 12 belles assiettes, mais il faut peut-être en retirer 11 pour en garder une, hein, très cher ami? Ben là, c'est parce que moi, j'ai des amis imaginaires, hein? Non, attendez, je vais vous raconter, monsieur, Moi, j'ai la ticolite. Ça, on peut partager ça à tout le monde, la ticolite. Si vous avez la ticolite, madame, vous ne pourrez plus parler pendant 2 semaines. Le dentier va vous tomber, ça va décoller. Puis vos cheveux, je ne parle pas de vos cheveux. Votre mari, son plaisir, c'est quoi? C'est vos cheveux, hein? Il se lève le matin, il dit, t'as des beaux cheveux, mon amour. Il dit, merci, je le sais. Le lendemain, t'as des beaux cheveux, mon amour. Je le sais. T'as des beaux cheveux. Ça fonctionne, ce couple-là, là, à coups de cheveux. Complimentez, monsieur, votre dame. Si étrange que cela puisse paraître, par exemple, elle s'est acheté un déshabillé jaune pâle qui vous lève le cœur. Hein? Non, mais moi, le pissenlit, j'aime bien ça, mais sur le gazon, pas sur le monde, moi, là. Jaune pissenlit, oui, mais pas chez nous, dans mon intérieur personnel, surtout dans mon lit bien cuit avec 2 draps, 3 femmes et alléluia. Pardon? J'ai dit 3 femmes, moi, là? Non, 3 femmes. Elle s'appelle 3 femmes. Oui, en fait, c'est son surnom. Ma belle 3 femmes. Là, tu me trouves grosse. Mais non, c'est un surnom, là. Comme moi, regarde, moi, c'est Big Ray l'intrépide. Est-ce que je suis un Big Ray? Oui. Intrépide? Non. Bon, Big Ray l'intrépide. C'est, en fait, tout ce qu'on aimerait être. C'est le Star System qui te rentre dedans. T'aimes-tu ça, le Star System? Ben, moi, j'ai bien peur de ça, moi. Ça cache bien des fantômes, ça, là. Non, mais ils paraissent heureux, là. Regardez-moi ça, là. Il y a Zaza Gabor. Ah, mon Dieu! Pourquoi tu l'as cherché, elle? Zaza, non, mais les arpents vers Zaza Gabor. Il n'y a rien de pire que Zaza Gabor, hein? Dans la vie tous les jours, tu la vois. Ah, Zaza Gabor! Pardonnez-moi. Diantre, Zaza Gabor! Là, tu rêves. Tu fais un cauchemar de Zaza Gabor. Tu ouvres les yeux. Dans ton lit, c'est Zaza Gabor. Oh, mon Dieu! Agabor! Je vais pas mais je prie, j'ai pris. J'ai quand ding ding ding ding ding. Je présume qu'il vous cherche sans en parler. Il suit perle à perle votre piste. Vous le disiez arrogant, mais lorsqu'il arbore ses gants blancs, il vous fascine et vous séduit. Étrange petite gamine. Pourquoi je dis étrange petite Camille? C'est de l'improvisation. La dernière des 2 dernières phrases, c'est de l'impro. Alors, les lumières, la lumière fuit comme les regards. Elle garde la position timide sur la nudité, terrassée par la société ambivalente face au commerce du prêt à enlever. Je répète. Répète la vermine. Non, c'est repeat after me. Repeat la vermine. Repeat after me, pas after me. And my English is very good. Moi, je travaille dans un sentier près du ruisseau qui s'est perdu dans l'anglicisme. Mais croyez-moi, madame, mademoiselle, messieurs, mon anglais, c'est de la chenoute. Travaille avec des touristes, moi, là. Les touristes maudits, les touristes. Quand c'est pas. Moi, les Français, il n'y a aucun problème, là. Avez-vous de l'eau fraîche? 3e frigo à droite. Puis là, les gens qui travaillent avec moi, « Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire de l'eau fraîche? » C'est de l'eau froide. Chez nous, c'est froid. Mais eux autres, c'est fraîche. Monsieur le curé, votre fille est fraîche. Excusez-moi. La lumière fuit comme les regards. Elle garde la position timide sur la nudité, terrassée par la société ambivalente face au commerce du prêt à enlever. Tu me demandes tout et je te donne un lien pour abandonner tous tes biens. Comme disait Raymond Brisebois, lorsqu'un jour Il se frappa au pique-bois. C'était une agression très grave, très gratuite. Ça lui avait quand même coûté 75$ pour avoir tué le pique-bois, mais ça, c'est une autre histoire. Tu me demandes tout et je te demande un lien pour abandonner... Non, mais on retourne la cassette. Oh, OK! Tu me demandes tout et je te donne un lien pour abandonner tous tes biens. Là, je me trouve très bon. Je me trouve, là. Sincèrement, je me trouve très bon puisque j'ai écrit « pour abandonne ». Vous savez, lors de la création, nous avons des spasmes imaginaires, des spasmes de sensation des mots qui nous parviennent au bout des doigts. Puis là, quand tu n'as pas de stylo, tu dis « mais non, un stylo! » Donc, tu dois, comme Sad, te blesser, pour prendre ton sang et prendre le temps de bien écrire. Hey, donc, accroche-toi à la solitude de l'astronaute. Pourquoi j'ai écrit ça? J'ai à un moment donné, je m'y rentrais dedans. Là. Hey, ça fait mal. Quand ça rentre, là, tu ne demandes même pas par où ça sort. Tu dis, je veux pas que ça sorte. Rentrez, mais sortez pas. Hey, moi, il y a 3 semaines et demie avec... Non, des expériences, j'en vis tout le temps, moi. Non, je veux plus en vivre. Puis on dit, ah ben, c'est Rénal Gagné, lui, Rénal Gagné. L'absurdité, il aime ça, là, tout ce qui est extrême. Oui, c'est vrai, j'ai rien contre. J'ai absolument rien contre. Mais il y a des moments où on aimerait bien se calmer. Le fanfaron. Calme-toi le fanfaron, mon. Calme-toi le fanfaron, bon. Accroche-toi à la solitude de l'astronaute. Je trouvais ça tellement beau. Là. Je sautais comme l'adolescent. Là. Je disais, ah! La police arriva. Et me voilà en prison. Alors frappe et on te cognera. Ça, c'est violent. Frappe et on te cognera. Alors, la chanson que tout le monde attend. Hey, il va faire la chanson de Robin Williams. Ben oui, c'est là. Mets de l'écho. Gilbert, mets de l'écho. L'écho-là est un animal. Un animal qui, parmi les animaux, terminera bientôt sa vie, puisque tout le monde veut un genre de mammifère semblable. Là, est-ce qu'on peut faire le sur l'air de... Monsieur William. Et on sent l'air de Monsieur William, hein? Il faisait rire, surtout les prolos. Attends. Oh, j'ai une idée, là. On y va? Oui. Là, j'ai arrêté ça, je sais pas pourquoi. Là, j'ai dit, il y a des gens qui écoutent, c'est vrai. Hey, on est en direct. Excusez-moi, Madame Tremblay, là. Ouvrez votre prolo. Bon, OK. OK, on y va avec la chanson. Je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. OK, c'est bon. OK, attends un peu. OK. C'est merveilleux. OK, on y va. Ah! OK, on y va. Un, c'est le temps, là. Madame, non, tout le monde se dit, voyons donc, qu'est-ce qui se passe, là? On entend... Non, on part le moteur. Il faut le réchauffer, là. Quand on le réchauffe, il est prêt à partir. On y va. Un, deux, trois. J'habite. Non, on y va. Il faisait... Non, mais est-ce qu'on peut mettre la caraquette, là? Le monde est un peu tanné, là. OK, on y va. On voit le stress, hein? On entend le stress. Il faisait rire, surtout les prolos. Robin Williams. Ouais, mais là, on va faire la synchrone, OK? Il faisait rire, surtout les prolos. Robin Williams. Il se montrait dans un complet sourire. Robin Williams. Et soudainement, un lundi du mois d'août, il se mit... La corde au cou. Robin Williams, vous vous êtes retiré dans le drame, autrement dit, la comédie, c'est tu. Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams. Un succès. Merci, mesdames et messieurs. Donnez votre argent à Rénal Gagné. À commencer à l'autre.com. Comment? Non, mais c'est le grand succès. Là. Je sens que ça va faire YouTube, YouTube, YouTube, YouTube. Ils vont prendre mes idées. Ah, mordo. Les idées du cabochon, c'est moi. Alors, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre errant rénaldien que vous connaissez si bien. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention, ça c'est important de le dire à tout le monde, parce qu'on s'est fait enlever deux personnes qui travaillaient au sein de notre entreprise Errance Rénaldienne. Gardez-les en haut, là, on ne veut plus les avoir. Merci de nous les avoir pris. Puis en fait, on nous a même envoyé des messages. Placez les gens que vous ne vous privez comme ces gars. J'ai dit OK, on y va. En fait, en français, ça veut dire placez un cercle jaune sur un vêtement des personnes que vous ne voulez plus revoir. Puis là, ben, j'avais des gens comme ça. Pas gens, mais des individus. Et oui, que je ne voulais plus revoir. Donc, j'ai placé les macarons jaunes. Et le lendemain, plus rien. Merci les extraterrestres. Je vous aime tellement bien. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Puis, selon mes... mes sources qui ne sont pas anodines. 2015, vas-tu chercher quelque chose? Oui, Cain, hein? Avez-vous vu? Cain, vas-tu chercher quelque chose? Oui, ils viendront nous voir en 2015. Les illuminés de tout ce siècle qui font quand même rouler une certaine économie extraterrestre. Ils s'en viennent. Là, ils sont entre Platurne et le pain tranché. Puis là, bien, pour passer à travers le pain tranché, on sait qu'il y en a 17 pains tranchés. Ils doivent faire les allos. Si vous ne connaissez pas ça, les allos, parce que vous n'êtes pas dans le milieu extraterrestre, c'est les tranches. Ils doivent passer avec leur soucoupe volante à travers les tranches, donc le néant des tranches, le trou noir transversal, on dit ça comme ça, transversal de l'univers du pain tranché, avant d'entrer dans la sauce à poutine et sortir à travers la frite. Mais c'est en 2015. Prenez ça en note, 2015, je pourrais même vous dire la date, mais là, ça sera un attentat. Les journaux demain, je suis pas certain que les journalistes viendront me voir, puis... Monsieur Gagné! Non, c'est pas Monsieur Gagné, c'est Monsieur William. Monsieur William, allez-y. Robin Williams. C'est Robin Williams qui m'a emmené, parce que moi, je le connais, là, j'ai allumé 3 bougies, puis... c'est plus des flammes, c'est des torches. Je parle pas de mes anciennes fréquentations, là, des vraies torches. Quoique mes anciennes étaient des vraies torches, là, mais des torches. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Aujourd'hui, le vendredi 26 septembre 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes. plusieurs routes. Là, je ne voudrais pas non plus chuter sur mon erreur pour que ça semble étrange, là, puis faire une censure plus tard. Là. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'acteur Denis D'Arcangelo. Denis D'Arcangelo est un acteur, chanteur français, chanteur, vous allez comprendre pourquoi, né le 11 octobre à Cherbourg, dans la Manche, là. La Manche longue? Non, c'est la Manche courte. Ah, la Manche très courte. Puis c'est pour ça que lorsque je l'ai rencontré, il était à l'écoute prêt, incroyable, extraordinaire, allumé. Bravo, j'ai bien adoré notre rencontre, vous allez l'entendre. Après des études de mathématiques, ah, c'est pour ça, là, il était là. Allô, Rénal, 1, 2, 3, comment ça va? 1, 2, 3, moi, ça va très bien. 4, 5, ah, c'est OK, mathématiques. Denis D'Arcangelo débute au bateau ivre avec Virginie Lemoine en 1986, puis au Piano Zinc, un cabaret gay à Paris. Il y rencontre Philippe Biller, metteur en scène et fondateur de la compagnie du Tapis Franc, avec qui il monte des spectacles de rue à travers la France. Comédie inspirée du 7e art et de la chanson française de l'entre-deux-guerres. Excusez-moi. Je t'offrirai pam, pam, pam, pam, pam, un croissant de soleil pour déjeuner. Pam, pam. Donc, il y fit la rencontre de Philippe Biller, metteur en scène, spectacle de rue à travers la France, comédie inspirée du 7e art et de la chanson française de l'entre-queue. De l'entre-queue. De l'entre-queue. Excusez-moi. De l'entre-queue. Guerre. Quoique, c'est vulgaire, l'entre-queue. Guerre. Qui s'y coince, c'est Jic. À mon doux. Donc, c'est à cette occasion qu'il crée et peaufine son personnage de Madame Raymonde, pas Madame Rénal, Madame Raymonde, ça c'est une autre histoire, Madame Rénal, truculente et gouilleuse chanteuse des rues inspirée d'Arletty. Arletty, atmosphère, est-ce que j'ai l'air d'avoir une gueule d'atmosphère, mon petit, comment il s'appelle, là, le petit, là? Ouais, j'ai essayé, mais avec des années, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à faire. C'est qui? C'est Guy Bedos, non? Il y en a d'autres, ouais, c'est qui? C'est Guy Baudouin, non? C'est Rita Bibelot. Attends un peu, c'est le gars, on le voit, là, le grand dans les films, là, le singe en hiver, avec mon ami Jean-Paul Belmondo, Cascade. Au cinéma, il fait une apparition remarquée dans le film « Les nuits fauves » que nous allons entendre dans quelques minutes de Cyril Collard dans le rôle du chanteur réaliste. En juillet 2014, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet acteur inoubliable. Est-ce qu'on a changé, non? Alors, on va changer de costume pour cette rencontre incroyable. On l'a dit combien de fois incroyable? Jean Gabin, merci d'être entré dans mon corps et d'être ici ce soir. Donc, un voyage chargé pour cette nuit. Ouf, estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser septembre? C'est-tu encore estival? Juillet ou septembre? Je ne sais pas. Peut-être automnal, peut-être. En tout cas, un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui. Sí, pasan los trenes. Emiliano, el paraíso de los niños. Ouais, le Mexique, c'est le paradis des enfants. Emiliano, los niños. Ah, c'est pas à soir. C'est pas à soir qu'on va faire sauter les trains. Ouais. Les enfants, ils sont allergiques à la dynamite. T'es? Non. La dynamite, alors. Oh, la O'Keefe! Tu vas voir la O'Keefe? Si. Ábrela. Les trains, c'est fait pour rouler. C'est pas fait pour les révolutions. Catherine! Je sais pas! Tu te rappelles-tu quel train qu'il fallait faire sauter? Non! De quel côté s'en va la traque? T'es! J'en ai un autre qui s'en vient! Si. Oh. Ah ben celui-là non plus, il sautera pas! Non! Pas moins non plus! Emiliano, la révolution! Mais quelle révolution! La seule révolution, c'est le combat contre la mort. Avec la dynamite. On sait plus quoi faire avec la dynamite. Ah ben, on va se faire un peu d'artifice. C'est une bonne idée. Attends, je vais te donner une gorgée. Si. Hey, dès que le prochain train arrive, là, on va se faire un mot du feu d'artifice. Si. Si jamais il y en arrive un autre, on débarque pas de centrale. Non, non, non, non, non, non, non, non. On débarque pas. Oh non. Inflamación nacionalista. Fos mon dieu. Aïe, aïe, calice. Viens de me cogner le genou sur la traque. Emiliano. Emiliano. Faut couvrir la dynamite. Parce que les grenouilles vont la manger! Hey! Quand le prochain train arrive, là, on se fait party! Si, bien si, c'est... On reste sans traque, on se fait party! Si! Hey, sans rien, sans rien! Bon voyage, portez-vous bien, monsieur. l'émission, vous allez bien? Oui. Ça va? Est-ce qu'on reste à l'intérieur ici ou à comme ça t'arrange. Peu importe. J'avoue que t'as froid ou pas? Non, vous, toi? Non, pas trop, mais je suis fumeur, donc ça m'arrange. Ok, ouais, bah oui. Okay. Ah, ben là, il fallait le dire. Alors ça. Mais sinon, je peux me priver. Ah, il n'y a aucun problème. Non, il faut se sentir à l'aise. Ben super, super. Ben alors. Je vais me mettre à l'aise. Oui. Pour protéger un petit peu mieux. Est-ce qu'on se tutoie ou on se vous voit? Ouais, ok, parfait. Oh, oui, oui. On place les micros ici? D'accord, comme, okay. Comme tu veux. Ouais, mais il y a un temps de merde, hein? Ah, assez ordinaire. Moi, je reviens de Bruxelles. Ok. On avait beau. Ah oui? On avait beau, on est plus au nord. En vacances? Jusqu'à ce matin. Oui, au week-end. Okay. Je suis allé voir jouer des amis à l'opéra. Puis... À l'opéra? Et oui, oui, il y avait une très belle. Enfin, très étonnante mise en scène de Pestalucci. Ok, ah oui. Sur Orphée Eurydice, et donc je suis allé voir ça. Ah, c'est bien. Et je connais le chef qui dirigeait, et puis je connais la mezzo qui jouait Orphée. Alors, c'était dans la famille. C'était super. C'était les amis de... Super. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pourrais-je avoir une bière blanche, s'il vous plaît? Vous n'avez pas? Dans ce cas, je ne vais pas prendre de bière, mais plutôt, je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Ah, moi je prends une bière. Déjà, ouais, c'est ça, moi c'est. D'accord, bah, j'aime pas trop la bière que. J'aime que blanche. En fait, j'aime pas la bière. Ah bon, ok. Je vais prendre un Orangina, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, heureux de te rencontrer. Mais oui, c'est drôlement gentil. Faut que tu me racontes comment tu es bonne. Non, mais les artistes en général sont faciles. Quels échos t'as eu de moi? Ben, les échos, c'est très facile. Il y a quelques temps, quelques mois, je te connaissais avant, là. Mais sur France Inter, tu as passé à l'émission d'Arthur Dreyfus. Ah oui, oui, oui, oui, voilà. Très bien, formidable. Oui, oui, entre autres. Mais au tout début, tu t'es fait remarquer au Québec et partout dans le monde dans le film de Cyril Collard, Les Nuits Fauves. C'est vrai, ah oui. Ben oui, une petite séquence, mais quand même très, très importante. Ben, pour moi, c'était la révolution. Oui, c'était quand même ta troisième apparition au cinéma. Tu avais fait deux autres petits rôles avant. Oui. Des choses vraiment insignifiantes, oui. Des petits courts-métrages qui n'avaient jamais eu de carrière. Non, c'est le seul film en fait qui ait vraiment eu un destin. Mais comment tu as fait pour rencontrer Cyril Collard à l'époque? C'est un pur hasard. C'est-à-dire que le rôle au départ n'était pas écrit comme il est dans le film. Okay. Ça devait être juste une figuration, une silhouette, et puis... Ok, tu ne devais même pas chanter, rien. Non, non, non, ni parler. Okay, c'était même... dans un bar. Et c'était même pas moi qui étais sélectionné. Ok. C'est un copain qui se travestissait de temps en temps pour chanter comme moi je le faisais dans notre petit piano au zinc où on a démarré. Ouais, ouais. Et... En reprenant à peu près le répertoire d'Arletty, tout ça. Oui, voilà, oui, oui, oui. Ok. Et puis ce soir-là, on travaillait au bar l'un comme l'autre, et puis ce soir-là, il s'était trompé dans le planning, il me dit « Oh, je suis embêté, je me suis engagé sur une figuration, puis j'avais oublié que j'étais de service, ce soir, tu peux pas aller la faire à ma place ?» J'y suis allé. Voilà, j'ai pris le minimum, quoi. En fait, j'étais chez moi, à côté de chez moi. Ouais. Et puis voilà, je me suis présenté, j'ai remplacé Jean-Philippe, oh, pas de problème, super. La scène a pris un peu de retard à se tourner. Okay. Donc on dîne et je me retrouve à côté de Cyril, pendant le dîner. Mais tu ne connaissais pas avant, tu ne savais pas qui était cet être étrange. Et puis voilà, on a beaucoup discuté, on a partagé plein de, entre autres notre passion pour la chanson. Oui, la chanson française. Et oui, alors du coup il m'a dit mais c'est formidable, on va te faire chanter. Alors, tu es capable d'improviser? Oui, un peu, si on est si c'est en confiance, oui bien sûr. Et bien voilà, toute la scène est partie en improvisation. Ah, oh, il n'y a pas de problème. Non, c'est beau, j'aurai. Non. C'est cher l'Orangina. Bon oui, c'est. 8-4 heures. Ah oui, un mois de travail. Merci. Ça fait plaisir. Et donc, c'est comme ça que, petit à petit... Voilà, ça s'est fait, mais vraiment sans l'avoir prémédité. OK. Et puis, du coup, de l'improvisation, ils ont gardé quasiment... Merci. Quasiment toute la scène, c'est normalement. Mais tu pensais pas que ce film-là allait voir une carrière aussi extraordinaire? Pas du tout. Mais Cyril Collard non plus, hein? Pas du tout. Il y a un concours de circonstances. Hein, ouais. C'était les grosses années noires d'hécatombe à cause du virus. Ouais, ouais, ouais. Et puis le fait qu'il est mort juste avant le... Deux semaines avant les Césars. Deux semaines avant les Césars. Donc tout ça a fait un phénomène... extraordinaire. Qui a beaucoup touché les jeunes. Oh, oui, mais même l'histoire en tant que telle, oui. Qui est presque... Alors ensuite, comme on était beaucoup dans les... Moi, j'étais engagé dans des associations de prévention contre le sida, etc. Donc, suite à ça? Le film... Non, j'étais déjà engagé là-dedans. Okay. Mais du coup, le film a servi de support. Mais... J'étais invité beaucoup dans des débats là-dessus, après le film. Il y avait tout, systématiquement, on était envoyés tous aux projections pour parler avec les gens après, expliquer... Alors, vous représentiez presque... Cyril Collard et son univers. Mais avant l'art dramatique, avant tout ça, tu t'étais enlisé dans les mathématiques. On ne prend vraiment enlisé, j'ai pas pris le temps de m'enliser. Okay. J'en ai fait un peu, c'était mon souhait avant. Pourquoi un souhait d'être cartésien? Ah, mais j'ai vu ça. À l'école, j'étais bon en maths, ça me faisait. Puis en fait, j'avais envie d'enseigner. C'est une chose qui m'aurait vraiment. Enseigner les maths? Oui, les maths ou autre chose, mais l'idée d'enseigner me plaisait. Rendre limpide. Des choses qu'il avait été pour moi, parce qu'elle m'avait été bien enseignée. Quand je voyais tous les copains galérer autour, c'est bien difficile les maths. Je dis non, c'est très simple, regarde, tac. C'est de la logique aussi. C'est de la logique, oui. Voilà, je peux... Non, mais très vite, j'ai compris ma préférence. Allez, en fait, quoique, il y a beaucoup de professeurs qui enseignent un peu comme si c'était une pièce de théâtre, donc c'est une monstration. Ben, je crois que c'est ça qui m'a tiré, finalement, c'est d'être en représentation devant... les étudiants. Plutôt qu'un vrai public neutre. Oui, c'est ça, qui, eux, vont payer leur... Qui est le plus intéressant à faire passer comme idée et comme poésie. Cela dit, les mathématiques, je continue de penser que c'est plein de poésie. Hein, oh oui, effectivement. Chose. Oh oui. Mais après ça, tu as fait les pianos Inc, le piano Inc. Oui. Qui est quand même une école en soi. Ben oui, c'est partie des derniers héritiers de la grande époque des cabarets. Il n'y en a quasiment plus. C'est vrai. Les petites, on a eu, comme vous, les boîtes à chansons. Nous, on a eu, il y a eu la rive gauche. Il y a eu, ça a été un peu jusqu'à l'écluse, et puis plus rien après. Et donc, alors, tu es arrivé à la fin de. Oui. Ce qui était un peu. Et puis cet endroit était à double vocation, parce qu'il y avait cet héritage des cabarets, et puis c'était un lieu gay friendly. Et c'est aussi pour ça que je me suis retrouvé plutôt à l'aise. Là-dedans, avec les gens, dans cet univers-là. Et puis là, voilà, c'est des rencontres, après, des gens qui m'ont fait chanter, qui m'ont fait jouer. J'ai pu travailler comme comédien ensuite, sans avoir fait d'école. Ah oui, c'est ça, mais en fait, c'est sur le tas, comme on dit souvent. Mais lorsque tu étais enfant, tu voulais être comédien, tu voulais monter sur scène? Je voulais pas en faire mon métier. Okay. J'aimais ça, faire déguiser et raconter des histoires. À tes parents, à tes amis? Oui. En évidence? À l'école. OK. Et c'est comme ça que... De sans rêver, gagner ma vie avec ça, évidemment. Oh, oui. Et c'est à quel moment que le tout s'est comme mis en place? Pendant mes études. En mathématiques. Après le bac, je suis arrivé à Paris pour étudier les maths plus sérieusement. Ah oui, là, si on veut être professeur. Et puis j'ai été beaucoup plus fourré justement dans les lieux de chansons que. Okay. La récréation était plus importante. La récréation était plus importante que les. Petit à petit, je me suis dit, allez, c'est pas mon truc. Mais tu as fait aucune école de théâtre ou. Non, j'avais un cours municipal, En loisir, avec objectif loisir uniquement. Pas de mon adolescence, dans la petite ville de banlieue parisienne où j'habitais. Et c'est tout. Ok. Après, c'est le cabaret, puis c'est le théâtre de rue qui m'ont vraiment appris les rudiments du métier. Et tu as su bien te trouver parmi les gens qui t'ont fait travailler tranquillement. Oui, parce que ça a été ça, mon école. C'est les À chaque metteur en scène nouveau qui me voyait et qui me proposait du boulot, j'apprenais une nouvelle façon de faire. Et c'est passionnant. Je passais de l'un à l'autre. tout, quasiment chaque fois que j'ai été sollicité pour un spectacle, on m'en proposait un autre derrière. Alors, ça a été sans fin, donc... Jusqu'à maintenant. Ouais, ben oui, mais en fait, en plus, tu touches à tout. Tu touches au théâtre, tu touches au cinéma, tu touches... tu as produit quelques films. Au cinéma, pas beaucoup. Ben, en tout cas, tu as produit au moins 3 films, coproduit 3 films. Tu as aussi handicapé, tu as fait des disques. Oui, c'est pareil, très peu. Oui, mais c'est quand même des... Les choses enregistrées m'ont assez peu souri. C'est vraiment sur le vivant, sur l'éphémère. J'ai fait de la scène. Le théâtre vivant. Surtout de la scène. OK. C'est bien en théâtre qu'en chanson. Mais qu'est-ce qui t'attire dans ces vieilles chansons-là, Arletty et tout ça? C'est quoi? C'est un moment qui n'existe plus et qu'on essaie de recréer? Je crois pas. C'est pas de la nostalgie parce que je trouve que la chanson réaliste, telle qu'elle était faite à l'époque d'Arletty, on la fait encore pareil aujourd'hui. Okay. Donc je m'intéresse aussi bien aux gens d'aujourd'hui qui l'écrivent comme ça, la chanson. Okay. Par exemple, Alain Lepresse. Bon, Agnès Bill, tout ça. Oui, absolument. Okay. Juliette. Oui, que je rencontre après-demain. Ah, bah, formidable. Oh. Bah, tu passeras le bonjour parce qu'on a un projet ensemble. Ah oui. Elle va, tu sais, je fais des tours de chant avec un personnage de dame, Madame Raymonde. Oui, Madame Raymonde. Et la prochaine version du spectacle, c'est elle qui la met en scène. Ah, le monde est petit. Voilà. Puis, copine, Juliette. Oui, mais écoute, j'ai appris aussi. Le monde est très, très petit. Écoute, tu vas bien voir que tu as coproduit Select Hotel. Select Hotel que tu as coproduit. Ah bon? Que tu as donné des sous pour Select Hotel. Et Cul, un film récent, 1990. Non? Non, ça ne me dit rien du tout. Non, ben écoute, si je regarde... Qu'est-ce que j'ai dit ça? Ben, qu'est-ce que j'ai dit? C'est sur un site officiel, à la toute fin. En tant que producteur, Select Hotel en 97. Ah non, mais c'est pas moi, ça? Oh oui. Non, non. Ah, tout ça, c'est pas dans ma fiche. Ah, OK. Ah bon? OK, excuse-moi, c'est peut-être une erreur. Non, c'est pour moi. Ah, OK. Depuis quelques mois, je l'aimais de toute mon âme, mais il m'a quitté sans savoir pourquoi. Il a brisé mon cœur de flamme, et depuis je vais partout où l'on voit, dans toutes les maisons où l'on s'ouvre. Je sors tous les soirs, espérant le voir, et le champagne emplit ma coupe. Quand je suis grise, je dis des bêtises, j'amuse les gigolos. Comme les copines, je me morphine, ça me rend tout rigolo. Je prends de la coco, ça trouble mon cerveau. L'esprit s'envole et mon chagrin s'enfuit au loin, je deviens folle. Hier au soir, comme tous les soirs précédents, je sablais encore le champagne, lorsque j'aperçus mon ancien amant avec sa nouvelle compagne. L'orchestre jouait un brillant tambour, dans ses bras il tenait sa belle. Et moi sur la table, j'ai pris un couteau, et ma vengeance fut cruelle. Oui, j'étais grise, j'ai fait une bêtise, j'ai tué mon gigolo. Dans les copines, comme une coquine, dans le cœur j'ai mis mon couteau. Donnez-moi de la coco pour troubler mon cerveau. L'esprit s'envole. Un petit vieillard chantait mal dans une chorale de rue. Une méchante vieille jaune et sale, à coups de coude, tapait dessus. Les passants étaient bizarres, les aumônes de plus en plus rares. Et le petit vieillard chantait mal, de plus en plus mal. Et le petit vieillard chantait mal, de plus en plus mal. Le petit vieillard chantait mal, de plus en plus mal. Et le petit vieillard chantait mal, de plus en plus mal. Le petit vieillard chantait mal, de plus en plus mal. C'était comme un bon animal, un chien fidèle, un vieux cheval. Les gargouilles le connaissaient et en secret lui souriaient. On leur dit de quitter la gare, de ne plus marcher au hasard, d'abandonner la cathédrale et de dissoudre la chorale. Car le petit vieillard chantait mal, de plus en plus mal. Le petit vieillard chantait mal, de plus en plus mal. Le petit vieillard chantait mal, de plus en plus mal. Le petit vieillard chantait mal, de plus en plus mal. Un petit vieillard chantait mal dans une drôle de chorale. Une méchante vieille jaune et sale mendiait devant la cathédrale. Quand ce petit vieillard s'est tu, les anges de pierre ont disparu. On dit qu'ils sont partis au ciel pour amener à l'éternel ce petit vieillard qui chantait mal, de plus en plus mal. Ce petit vieillard qui chantait mal, de plus en plus mal. Ce petit vieillard qui chantait mal, de plus en plus mal. Ce petit vieillard qui chantait mal, de plus en plus mal. Baby, understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes it seems that all I have to do is worry, and then you're bound to see my other side. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. If I seem edgy, I want you to know that I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get my share, and that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, oh, oh, baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself long regretting some foolish thing, some little sinful thing I've done. A soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Mais tu te consacres autant au théâtre qu'au plaisir de chanter, donc au musical. Oui, par chance, j'ai quasiment toujours été engagé pour des spectacles de théâtre musical. Ok. Quelquefois assumé comme des comédies musicales à proprement parler. Ok. Mais quelquefois juste émaillé de quelques chansons. Mais il y a toujours eu de la musique dans les spectacles de théâtre que j'ai fait. C'est quoi, c'est le c'est hasard? J'aime ça, j'aime autant les deux. Est-ce que tu connais aussi un peu l'univers de Jean-Claude Dreyfus? Oui. Parce que Jean-Claude Dreyfus aussi joue autour du fait de de se transformer, de... Oui. Il a même... et des poètes. Enfin, moi, j'ai un formidable spectacle sur Rictus. Ok. Sur poète géant Rictus, qui fait vachement mieux. Puis il y a musicien. Oui. Mais est-ce que tu écris beaucoup ou si tu laisses les autres? Ok. Alors tu laisses les autres. J'écris des spectacles. C'est-à-dire que j'écris des fils conducteurs. À travers des chansons, des histoires. Des voilà, mais les chansons sont pas droits. Ok. Non. Mais tu piges des répliques de pièces de théâtre pour voilà, avec des voilà. chansons. Je fais des montages. Ok. Et c'est inspiré de qui, de quoi, de... Il y a pas mal de références au cinéma. On en revient aux années 30, Arletty. Okay. C'est à ce cinéma-là qui m'a beaucoup... Carnet, bien sûr, m'a beaucoup plu. Ok. Après, j'aime bien raconter des histoires. Alors, c'est pour ça que j'aime la chanson réaliste. Alors, c'est des petites pièces de théâtre en trois actes. Chaque couplet est un acte. Enfin, c'est... avec un dénouement. J'aime bien papoter avec les gens, donner l'illusion d'une conversation. Donc, je donne l'impression de parler de moi à travers les chansons des autres. Donc, j'invente la vie de cette Madame Raymonde à travers les chansons qu'elle chante. Et cette fameuse quand même fait son tour depuis des années. Raymonde. Mais justement, le personnage a été créé suite à la rencontre avec Arletty. Ok. La véritable rencontre. La véritable Arletty, oui. Elle était en fin de vie ou... C'était 4 ans avant qu'elle disparaisse. C'était le jour de ses 90 ans. Avec mon copain Philippe Biller, on est allé chanter sous ses fenêtres. On lui souhaitait un bon anniversaire. Okay. Et puis, elle nous a fait monter et on s'est fréquenté pendant 4 ans ensuite. Ok, et puis qu'est-ce qui s'est passé Et bien, justement, avec ce garçon, on faisait du théâtre de rue. Et on était très fans d'Arletty, de Carnet, tout ça. Est-ce qu'elle était surprise? Oui, très. Okay. Et surtout quand on est revenu après notre tournée d'été, en lui faisant écouter des enregistrements, parce qu'on avait fait des essais, on avait trouvé une robe qui nous faisait penser à la Madame Raymonde d'Hôtel du Nord. Ouais. Donc on a démarré comme ça, puis j'ai fait les premières chansons d'Arletty. Et elle lui a fait écouter, mais c'est formidable, ce personnage, c'est bien, il faut qu'il ait une vie après le cinéma, après l'image. Mais il faut que vous trouviez un répertoire, donc... Allez voir du côté de chez mes copines avec qui j'ai démarré, allez voir Gabi Bombreuse, Jeanne Stick, des champignons. Oui. Et là, ça, elle a s'oublié. Mm-hmm. J'ai exploré tout ça et effectivement, j'ai trouvé du grain à moudre. Alors, vous vous êtes créé un univers. Donc, au départ, c'était une copie du personnage, une imitation, pas très réussie d'ailleurs. Et petit à petit, c'est devenu un personnage à part entière avec sa langue. Son accent. Alors certainement que avec les années, elle a évolué elle aussi. Oui, bien sûr. C'est ce qui se fait avec les personnages récurrents. Ouais. Ça fait 30 ans que je la joue, Madame Raymonde. C'est-à-dire qu'elle c'est devenu un double. Quoi. Mais elle a encore des choses à dire. Autant que j'en ai moi à dire. Oui. Sur ce qui se passe actuellement, sur... Ouais. C'est pas trop dans l'actualité. Ok. C'est sur l'humanité en général. Okay. Sur le besoin d'amitié, de fraternité, c'est sûr, ça tourne toujours. Ce qui ne se jamais. Ça touche à toutes les questions de société. Hein. Et ça n'a pas d'année, ça n'a pas de. Ça n'a pas d'âge. Oui, c'est ça, ça n'a pas d'époque. Donc, lorsque elle se fait oublier, ben, tranquillement, elle revient, puisqu'il y a des chansons qui vous rappellent à elle, et ça vous donne le goût de revenir sur ce thème-là. Ah ben, exactement. Et de la retrouver un peu comme une vieille amie qui... Oui, absolument. Je n'ai jamais quitté. Hein. Maximum, il se passe 6 mois entre deux concerts. Ah, juste 6 mois, OK. Donc, oui, ça va. OK, je pensais que c'était quelques années. Elle est tout le temps, là. OK. Parce qu'on tourne, enfin, on fait les créations tous les 6 mois, mais on tourne le reste du temps. Mais vous tournez dans les théâtres, Oui, dans les théâtres, essentiellement. Et à Paris ou partout en France? Partout en France. Quelquefois, pas beaucoup hors de France. Enfin, moi, en Suisse, en Belgique, au Québec. Pas tellement. Okay. En Québec, jamais. Ça, non, pas encore. Et puis, ben, je vous le dis, c'est mon rêve. Hein. J'aimerais tellement que d'abord découvrir ce pays. Puis j'ai une passion aussi pour ça, puisque j'ai joué là en tant que comédien, pas du tout chanteur, deux pièces de Michel Tremblay. Ah oui, ben oui. Et lesquelles? La Duchesse de Langeais et Hosanna. Oui, ah, excellent. Et il est venu voir la duchesse, Michel, à Paris. Et puis, ça, c'est en En quelle année? C'est pas très vieux. La Duchesse, c'était en 2000, je crois, ou 2001. OK. Hosanna, c'était un petit peu avant, 98 ou 19. Mais est-ce que c'est un dialogue adapté ou... On avait... D'abord, on cherchait pas à prendre l'accent, parce que c'est vraiment écrit en joual. Oui. Donc, on n'était pas du tout... Ça aurait été ridicule de mais faire du langage imitation. De rue, un peu comme mais on avait gardé le vocabulaire. Quand un mot était vraiment très, très difficile à comprendre pour un Français, on l'avait remplacé par son équivalent. Et c'était pas de l'ordre de l'adaptation. Okay. C'était un tout petit raccord à un endroit ou à un autre. Pour que ce soit pas intelligible, mais sinon, on avait respecté la langue telle qu'elle était, qui est savoureuse. Et qui est très poétique. Très poétique. Et ces personnages sont touchants, sont viennent chercher. Alors, ne serait-ce que pour aller me balader dans le Montréal de Michel Tremblay, j'aimerais vraiment. Oui. Ah, mais c'était surtout que ça passe. C'est qu'à venir là et puis chanter là-bas, quand même, c'est un pays de chansons. Surtout, oui, oui. Mais à travers ces personnages-là, qui se croisent au fil des années, comme votre personnage, le personnage que tu as fait, et qui est récurrent à chaque 6-7 mois, 8 mois, est-ce qu'il y a des moments où tu te retrouves chez toi et tu dis, je veux lui faire dire ça? Ben, c'est des chansons qui me font, qui me font tilt. Okay. Si je me dis, tiens, cette chanson-là, Madame Raymonde, c'est même pas elle irait bien, Madame Raymonde, c'est Madame Raymonde pourrait en faire quelque chose. Okay. Parce que l'idée, c'est quand même de détourner aussi les choses et toujours trouver au maximum les différents niveaux de lecture. Je vais prendre seulement au premier degré propos d'une chanson, toujours voir qu'est-ce que, si Madame Raymonde la chante, qu'est-ce que ça devient. Mais est-ce que... Et ça me saute dessus. Quoi. Est-ce qu'elle est du genre à raconter un peu l'histoire de la chanson avant ou de la mettre dans un contexte ou de se trouver dans un moment quelquefois et quelquefois un contexte complètement inventé qui n'a rien à voir avec la véritable histoire de la chanson. Mais je raconte une histoire qui servira la petite histoire de Madame Raymonde et de sa vie. Par exemple, quand j'ai rencontré, à l'époque où j'étais archéologue, ce qui n'est absolument pas vrai, je suis tombé sur le squelette d'un roi. Et alors j'ai pensé immédiatement à cette chanson, parfois, qui n'a rien à voir. Mais ça vient alimenter le... Est-ce que ces moments-là sont improvisés ou travaillés? Aimes-tu l'improvisation? Aimes-tu te surprendre toi-même? Pas trop. Alors, je me laisse la possibilité de le faire. Et à vrai dire, les meilleures trouvailles de jeu et les meilleures blagues trouvées pendant le spectacle, elles ont été faites à des moments d'improvisation, des moments saisis comme ça sur l'instant, mais qu'on a ensuite... Tu ne sors pas devant public? Si. OK. C'est arrivé. Et pour revenir au Nuit Fauve, ce qui fait en sorte que le personnage que tu fais est totalement extraordinaire, c'est qu'il semble improvisé. Et ça, un bon comédien peut nous faire croire à cet événement-là, que Cyril rentre dans un bar, il y a quelqu'un, amène des caméras et filme. Ben c'est ça. C'est ce que voulait Cyril, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais produit. C'est pas en une seule séquence. Oui? OK. Ça a été très rapide et ils ont quasiment tout gardé. Et la personne qui crie, toi, tu dis, ah, c'est ça, c'est certain, c'est dur à la réalité. La réalité, oui, non, c'est arrivé vraiment. OK, c'est pas quelqu'un qui a lancé une réplique. Pas du tout. OK. Ça, c'est improvisé tant pour lui, tant pour la réaction de colère et tout ce jeu-là. Le sourire qu'il a en coin en disant, mais là, il se passe quelque chose, puis il savait que se passait quelque chose. Mais oui, mais parce que théoriquement, au départ, je devais simplement être un travesti, accoudé au comptoir, en train d'éponger son alcool de la nuit, être une silhouette pour un tour le décor, rien de plus. Et tu te fais servir un canon aussi par Cyril Collard qui te dit tu veux quelque chose. Oui. Et après coup, comment c'était? Après cette union-là, ça s'est terminé ou vous êtes revus? Ben, on s'est revus, mais ça s'est terminé très vite puisque sa fin à lui était. Il est mort un an après, le tournage, un an et demi, juste avant. On s'est vu, je suis allé le voir à l'hôpital, on s'est vu à la fête de sortie du film, et puis c'est tout, et puis il nous a quittés. Est-ce qu'il m'a bien désolé, puisque bien sûr, parce que d'abord c'était quelqu'un de formidable, mais aussi parce qu'il avait des projets. Il avait pensé à la suite, à ses prochains films, et puis il voulait me donner des choses. Bon, j'en ai fait d'autres. C'est surtout un drame, quoi, que ce jeune. jeune, beau mec, intelligent, plein d'idées, si créatif. Un enfant de Piala, de Maurice Piala. C'est un enfant de Piala. C'est déjà, qui, déjà, oh, oui, dans Nos Amours, c'est extraordinaire. Hein? Ils ont des scènes extraordinaires. Piala qui a quitté à un moment donné en plein tournage. Et c'est Cyril Collard qui a repris le flambeau. Il est revenu un mois après et boum, là, il a réenchaîné Piala, mais il lui a fait confiance. Donc c'était une école. Et c'est pour ça que le cinéma de Cyril Collard, c'était le cinéma à filmique, c'est-à-dire un cinéma presque en direct. Oui, c'est l'héritier, bien sûr. Et c'est du cinéma réalité, comme aujourd'hui on le fait, mais c'était à l'époque où... Parce qu'il fait confiance aux gens, quand il met des vraies personnes en relation, dans des vraies situations, ça se déclenche tout seul. Est-ce que c'est... Après ça, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont reconnu et qui t'ont demandé de faire des choses à la suite de ça? Oui, alors peu de choses qui se sont faites, qui se sont concrétisées. Il y a eu beaucoup de projets. D'abord parce qu'on m'a un peu beaucoup demandé de faire des travestis. Ok. Mais tu fais pas juste ça. Il s'avère que j'avais pas envie de faire que ça. Je suis comédien, tu vois. Oui. Moi, je déteste. Enfin, ça va, j'ai pas de problème avec ça, mais j'avais envie de trouver l'éventail le plus large des possibilités. Tu vois, le vrai défi, il est là. Il y en a qui vous parlent de l'Amérique, ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique, notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins timide, bref on y part un jour de cafard. Encore un de plus qui le ventre vide, à New York cherchera un dollar. Parmi les gueuses et les proscrits, les émigrants au cœur meurtri, il dira regrettant Paris. Où est-il mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds? Où sont-ils donc? Mais Montmartre semble disparaître, car déjà de saison en saison, des abbesses à la place du tertre, on démolit nos vieilles maisons. Sur les terrains vagues de la butte, de grandes banques naîtront bientôt. Où ferez-vous alors vos culbutes, vous les pauvres gosses à poulbeau? En regrettant le temps jadis, nous chanterons pensant à Salis, Montmartre ton des profondes. Où est-il mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour nous c'était dimanche. Où sont-ils nos amis, nos copains? Où sont-ils tous nos vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds? Où sont-ils donc? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son d'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, quand je bouffais, même sans avoir un rang? Où sont-ils donc? C'est marrant, ça. Les nuits fauves de Cyril Collard. Tu vas quelque chose? Une autre, une vodka. Qu'est-ce que tu veux, toi? Bon, un ballon, comme toujours. La réalité, moi, je la prends au jour le jour. Ouais. Je l'embrasse. Je dis bienvenue à la réalité. Ouais, la réalité, c'est à 7h le matin, je vais travailler. Seulement ouais. Ah, vous êtes bien malheureux, alors. Ouais, complètement. Vous avez de la chance. Vous êtes si facilement malheureux. Alors qu'on peut le faire d'une manière tellement plus sophistiquée. Mais si vous ne connaissez pas le vrai malheur, le malheur distingué, le malheur populaire. Et quand vient la nuit, si je rêve, c'est de lui, de mon homme, les cœurs de son homme. Ça n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche, ni costaud, mais je l'aime, c'est il me fout des coups, oh oui, il me prend mes sous, oh non. Mais malgré tout, que voulez-vous, je suis à bout, c'est un peu bon pour moi. Je l'ai tellement dans la peau que j'en suis dingo. Il me ferait faire n'importe quoi, je tuerais ma foi. Quand ses mains sur moi se posent, ça me rend toute chose. Oh je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. Paquet plein de délices. Petit cylindre clair. Parfum d'or et d'épices, et volute sorcière, braise dans la nuit blanche, espoir et allégresse, noces et petits dimanches, tiges enchanteresses, sexe bleu, liqueur douce, charme puissant mensonge, ciel pâle, odeur de rousse, énigmatique songe. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. Aile de papillon, poudreuse et veloutée. Lisse et les grands pardons, riche et civilisée, tour d'ivoire arrogante, et triomphe assuré, renaissance troublante, envol prématuré, cigarette manquée, le rouge noir fatal, cigarette jetée dans un puits de cristal. Je fume contre tous les avis. Je fume sans trêve et sans répit. Je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit. À m'en relever la nuit. Cigarette chérie, languide et dangereuse, en sens vers l'appétit. Caline tubéreuse, cigarette fantôme, goûter déjà fini, cigarette à l'arôme, poison trop exquis, toi plaisir sans rival, amoureux serpent chaud, minaret de santal, rien jamais ne te vaut. Sans répit, je fume pour l'amour de la vie. Je fume à m'en relever la nuit, à m'en relever la nuit, à m'en relever la nuit, à m'en relever la nuit, à m'en relever la nuit, à m'en relever la nuit. donc ça m'a un peu déçu qu'on propose que de refaire en réalité ce que les gens avaient vu. Une ou deux fois, ça a évolué vers tout à fait autre chose, et des projets de théâtre qui sont concrétisés, mais au cinéma, je fais très peu de choses à cause de ça. Et je pense que les directeurs de casting ont moins d'imagination que les metteurs en scène de théâtre. Mais tu n'as jamais voulu chercher la facilité, puisque tu aurais pu refaire le personnage jusqu'à la fin de tes jours et en vivre quand même pas, assez facilement. Mais, enfin, bon, j'ai envie qu'on me donne la parole, j'ai envie d'exprimer. J'ai envie d'être au service de belles choses, de textes ou de belles poésies. C'est juste pour faire l'image du trave dans un coin, ça ne m'intéresse pas. Mais à la radio, à chaque fois que je t'entends, tu fais lever l'émission. Tu fais un moment donné avec Arthur Dreyfus. Ils ont dû annuler quelques trucs parce que tu avais pris la place et c'était extraordinaire. Tu t'étais mis à chanter. Et les gens prenaient ça comme du bonbon. Donc, on ne voulait pas dire on arrête. Parce que quand. Ah, mais il m'a fait des blagues, Arthur aussi. Oui, mais c'est un gars très intelligent. C'est formidable. Oui, c'est un être très, très, très allumé. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il voit qu'il est devant un personnage, il le laisse jouer son, ouais, c'est ce son personnage. C'est, c'est un peu comme... La grosse surprise, c'était de donner la réplique à Suzanne Flon. Oui, post-mortem. C'était ça, c'était délicieux. Et c'était touchant. D'un coup, faire Gabin. Oui, ben oui. J'ai adoré ça. Et lorsque tu es sorti de là, tu devais avoir la tête dans les nuages. J'avais des étoiles, oui. Ah oui, mais c'était une excellente émission. Oui, parce que ça va loin. Il y a une vraie réflexion dans tout ce qu'il propose. Puis il adore la chanson, la vieille chanson, la chanson réaliste, entre guillemets. Donc, c'est un érudit. Tu parles à quelqu'un qui a des fondements, pas quelqu'un qui essaie de plaire. Donc, c'est un jeune très brillant, parce qu'il a 30 ans à peu près, mais il connaît plein de choses. C'est un intellectuel solide. Et un auteur oui, de talent. Déjà prolifique et fort intelligent. Oui, effectivement. Donc, c'est réjouissant de savoir qu'on a une jeunesse aussi à plomb. Aussi plombé, oui, il y a de l'avenir, heureusement, parce que sinon... j'ai 10 questions à te poser et je veux voir les réactions que tu auras sans doute. Si tu étais un liquide... Un liquide? Oui. Probablement du vin. OK, lequel? Du vin rouge, si tu veux encore savoir lequel, du Bourgogne de préférence. Pourquoi le Bourgogne? C'est mon vin préféré. OK. Et le vin, il est au-delà d'être bon, il y a une symbolique merveilleuse. OK. Il sort le sang de la terre. Oui. Mais on va revenir à tes origines. Toi, tu viens de Cherbourg. Je suis né à Cherbourg. J'y ai jamais vécu. OK. Est-ce que tu retournes à Cherbourg? Parce que moi, je suis allé... De temps en temps, j'ai de la famille, oui. OK, mais ça te... Mes parents habitent près de Cherbourg, dans une petite ville à côté. C'est beau, Cherbourg. C'est très joli, ce coin-là. Surtout pour aller en Irlande. C'est cool. Oui, sur le pays autour, est très beau. Oui. La ville n'est pas très belle. Elle a été détruite complètement à la fin de la Deuxième Guerre. Mais sinon, ce qui est joli, ce que j'aime et ce que j'assume à propos de Cherbourg, c'est que ma mère, enceinte de moi, allait sur le tournage des Parapluies. Parce que absolument pendant le tournage du film de Jacques Demy, Les Parapluies de Cherbourg. Et donc, certainement, à l'intérieur de son ventre, j'ai été bercé par ses musiques et par ses trucs. Voilà. Ah, c'est quand même... Je suis né en même temps que ce film. C'est quand même un film culte, lui aussi. Qui va être remonté bientôt sur scène. Oui, effectivement. Avec au Châtelet, mais je ne sais pas avec qui, je ne sais plus. J'ai dû le voir passer. Et on ne t'a pas approché pour... Non, je ne suis pas assez lyrique pour ça. Non, il faut vraiment être chanteur. Ah oui? Chanson, je ne fais pas de... Ouais, je ne fais pas de la grande musique. Si tu étais une ville. Une ville. Alors, eh bien, écoute. Paris est la ville que j'ai choisie comme ma terre. C'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup la terre sous le pavé, mais. New York est une autre ville qui me fascine. Alors, t'aimes bien ce qui est vivant, ce qui vit à 5000 à l'heure. Je suis un citadin, de toute façon, beaucoup plus qu'un campagnard. La nature m'ennuie assez vite. Okay, ouais. Au bout de 3 jours, j'ai besoin de métro, de boutiques, et d'une foule qui grouille, de gens, puis de regards croisés. Et surtout, on sent la culture dans certains pays, New York, à Paris, à Los Angeles, à Montréal. Oui, puis New York, quand je dis New York, pas tout à fait par hasard, c'est que ça incarne vraiment mon autre passion, c'est la comédie musicale, c'est Broadway. Avez-vous déjà monté, toi ou une équipe cabaret? Non, je l'ai vu. Oui. Je l'ai vu plein de fois. Et, oui. Là, et, d'ailleurs, et le film aussi, avec Liza Minnelli. Bien entendu. Mais je l'ai vu sur scène. Je l'ai vu à New York. OK. À l'époque? Non, pas à l'époque. Okay. Récemment, il y a une dizaine, il y a une dizaine d'années. Et puis? Formidable. Est-ce que c'est monté en France, là? C'est, oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des projets pour toi de monter une sorte de cabaret comme ça? Ça, spécifiquement, non. J'ai eu la chance qu'on me propose de jouer dans Follies de Stephen Sondheim il y a 2 ans maintenant. Et puis? Et puis voilà, ça s'est joué et pas forcément de suite. C'est compliqué, hein, cette grosse production. Mais, oui, mais as-tu du plaisir? C'est un rêve qui s'est réalisé de jouer ça. Puis les rencontres surtout avec les comédiens, avec... Ouais. C'est un cast essentiellement anglais et c'est des leçons aussi de travailler avec... Et toi, tu parles anglais? Oui, je me débrouille. Okay. Je parle mal. Mais tu peux comprendre quelqu'un qui... Mais bien sûr, oui. Est-ce que c'est des gens qui sont très... très rudes ou si au contraire, sont humanistes, ils vont te laisser la place, ils vont essayer de comprendre ce que tu veux dire. Au contraire, ils sont déjà arrêtés sur des projets. Ce sont d'excellents camarades parce que d'abord, ce sont des artistes. Alors, je ne sais pas si tous les Anglais sont comme les artistes anglais, mais... vraiment des gens qui ont compris ce qu'était la fraternité. Et puis, faire ce métier en Angleterre, c'est quand même beaucoup plus difficile que de le faire en France. Nous, on a ce merveilleux statut de l'intermittence qui nous permet de... Et on en parle de plus en plus, hein? Et ben, cette année... C'est en péril, plus, mais... Ouais. Mais on est quand même très privilégié vis-à-vis de ça. En face, c'est moins reluisant. C'est très, très difficile. Donc, ils ont un sens de la solidarité à l'intérieur de ce petit monde du spectacle qui est beaucoup plus fort que le nôtre. Ouais. Et donc ce ne sont pas du tout des gens qui jouent perso, au contraire, ils ont vraiment le sens de l'entraide. Ah, c'est bien parce que... Et de la commune, c'est des gens merveilleux. Alors c'est des gens que tu as côtoyés avec un grand plaisir. Ah oui, qui sont des amis. Oui, c'est ça, est-ce qu'il s'est révélé des amis après cette pièce-là? Bien sûr, okay. Bien sûr, on s'est revus. Okay. Et on se revoit de temps en temps. Puis, avez-vous des projets entre vous? Non, ben eux font leur carrière. Ils font leur carrière à Londres essentiellement. C'était un projet un peu unique, ça. Oui. Mais, Et c'est bien que tu sois mêlé à ce genre de grand projet-là. Ah là là, mais j'ai été... Parce que ça a été reconnu, on en a parlé partout. Hein. Ben oui, et puis c'était un peu un pari aussi de la part d'Olivier Benezèche, le metteur en scène, de me confier à moi le rôle de Solange Lafitte, la française. Ouais. Donc, encore une fois, un rôle de femme. Et c'est merveilleux. Mais c'est juste, je rêvais de ça. Et tu devais être au 7e ciel. Si tu étais une langue. Une langue? Oui. Pour le français. Oui. C'est franchement... Ah. Ou alors, non, je dirais peut-être l'italien, parce que c'est une langue que je connais pas bien, et c'est la langue de mes ancêtres. Okay. Et je vais parfois en Italie, alors là, je parle vraiment pas bien du tout, je connais 3 mots vaguement d'italien, mais cette musique, la musique des Italiens qui parlent m'apaise. En fait, c'est les racines qui se réveillent. Oui, il y a quelque chose qui se réveille là-dedans. Oui, c'est sans doute la langue que j'aimerais être. À découvrir. Oui, faut que je l'apprenne, surtout un peu mieux. Ouais, puis tu tentais à... De recréer ce genre de langue sur scène, de reprendre des écrits italiens pour le proposer à... J'ai toujours tout fait en français. OK. Parce que tu te sens plus à l'aise. Dans aussi, ces spectacles, oui, parce que je crois qu'il faut vraiment bien maîtriser les choses. Surtout qu'il y a un personnage à prendre, donc il faut maîtriser le tout. Encore une fois, il faut avoir tous les niveaux de lecture. Okay, et pour ça, il faut être très à l'aise dans la langue. Alors, si tu connais aucune métaphore italienne, on s'en mal à la... C'est compliqué, mais il faut pouvoir parler aussi à l'intérieur. Ouais. J'hésite pas parfois, tu sais, à interrompre une chanson pour m'arrêter sur... Ah, mais au fait, je viens de dire ça, mais vous savez que ça, c'est ceci, ceci et cela. Et je reprends la chanson. Il faut pouvoir le faire. Alors, tu travailles beaucoup sur l'improvisation. Oui, quand même. C'est ce qui te remotive à remonter sur scène, parce que ce ne sera jamais la même chose. Ah, ben jamais. Alors, quelqu'un qui va voir ta pièce pendant 5 soirs, c'est 5 soirs. Jamais. Il est arrivé à une époque... Alors, on en revient au vin rouge, parce que je bois beaucoup, toujours sur scène, Mme Raymond, elle s'enfile des canons de rouge. C'est du vrai vin, là. Toujours. Et c'est arrivé une fois que quelqu'un dans le public dise « Ah, mais c'est pas du vrai, c'est pas possible. » Et je l'ai entendu et je suis allé discuter avec la personne. Okay. J'ai fait écouter. J'ai fait écouter du coup à tout Laurent. Et puis alors, du coup, toute la salle a pu prendre le vin pour vérifier que c'était bien. C'est devenu un sketch, si tu veux. Et pendant 2 ans, j'ai refait ce moment-là. Parce que voilà, l'improvisation me l'a offert, le hasard me l'a offert. Et là, tu as comme recréé un personnage qui disait « Ah, c'est pas du vrai vin. Comment ça, c'est pas du vrai vin ?» Et là, tu oh, si personne le dit, je fais semblant de l'avoir entendu. Ah oui, c'est ça, pas. Exactement. Tu lances ça comme idée. Comment ça, c'est pas du vrai vin ? Et là, en relançant ça, tu reprends le même personnage. Et... Ah oui, c'est bien, c'est comme des clés aussi. Ça s'est construit. Ils se construisent comme ça, les spectacles. Quand on sort de l'écriture et qu'on fait la première, il y a un... C'est encore une toile presque vierge, en réalité. Ouais. Ça va se nourrir de ce qui va se passer réellement avec les gens, de comment on va se sentir. Ah, mais c'est bien, c'est quand même... J'aime faire ça comme ça. Et tu aimes aussi avoir des cassettes pour repartir sur un autre élan et reprendre le texte ou la chanson. Ah oui, alors ça c'est un exercice. Et ça paraît naturel. Je travaille avec un musicien qui me connaît bien. Okay. On se connaît bien tous les deux. On a des codes et... Oui, le jeu, c'est effectivement d'aller loin dans la digression et puis tout d'un coup, paf, de revenir sans prévenir exactement où on était. Donc, oui. Lui comme moi, on reste vigilant où on en est, quelle était la note. Et les gens sont fascinés, là. Les gens sont fascinés parce que... Ah oui, ça, c'est bluffant. Ah oui, ben oui, c'est ça. Et ça donne un spectacle véritablement vivant. Oui, oui, c'est ça. C'est... Si tu étais une époque... J'aime beaucoup l'entre-deux-guerres. Okay. C'est-à-dire, en gros, les années 30 et 40, pour nous. Et... Je trouve que c'est une époque de liberté, de folie, qu'a donné un merveilleux cinéma, une merveilleuse production de chansons, une belle littérature. Artistiquement, c'est vraiment une période très riche. Et les gens sont très... Les propos sont très libres. Oui. Je trouve que... Et très actuel, hein? Et très actuel. On peut reprendre beaucoup de choses. On n'a rien perdu. Mais il y a une parole libre, surtout. Je trouve qu'on a perdu de la liberté après, dans les années 50, 60, après-guerre. On est passé à un consensus moral. On ose beaucoup moins de choses. La grande noirceur, aussi. Il y a encore eu un peu la libération, les années 60, les 68, cette révolution-là, mais... C'est moins, elle est moins poétique. Ouais. Cette parole-là est moins poétique. Ouais. C'est la Java bleue, la Java la plus belle. Tout le monde ensemble, c'est vrai. Celle qui ensorcelle. Madame Tremblay. C'est un rythme joyeux. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on les murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon. La Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elle au monde, il n'y en a pas deux, c'est la Java bleue. Chérie, sous mon étreinte, je veux te serrer plus fort pour mieux garder l'empreinte et la chaleur de ton corps. Que de promesses, que de serments on se fait dans la folie d'un moment. Car ce serment rempli d'amour, on sait que ça ne durera pas toujours. Mais c'est la Java bleue, la Java la plus belle, celle qui ensorcelle quand on la danse les yeux dans les yeux au rythme joyeux. Quand deux cœurs se confondent, comme elle au monde il n'y en a pas deux, c'est la Java. Il flotte dans ses pantalons, de là lui venait son surnom, Beaux ou les culottes. Il y avait qu'une cinquième année, il savait à peine compter, Beaux ou les culottes. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, Beaux ou les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, beau sous les culottes. C'est pas vrai. Un jour, quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, beau sous les culottes. Ça, c'est vrai. Que les Anglais avaient les bonnes places et qu'ils lui riaient en pleine face, beau sous les culottes. Tout à fait. Il a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, beau sous les culottes. Si son élite, si son clergé, depuis toujours l'avait trompé, Beaux ou les culottes. Il a volé de la dynamite. Ah oui. Puis dans un quartier plein d'hypocrites, Beaux ou les culottes. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, Beaux ou les culottes. Tout le pays s'est réveillé. Super. Puis la police l'a attrapé, Beaux ou les culottes. On l'a vite entré en dedans. Voyons. On l'a oublié depuis 7 ans. Beaux ou les culottes. Comme ben des Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé. Beaux ou les culottes. Pas vraiment. Nos politiciens à gogo font les braves, font les pharaons. Beaux ou les culottes. Puis on cherche Pauline. Où est Pauline? Où est Pauline? Ils réclament enfin tes droits que les autres ne refusent pas. Beaux ou les culottes. De peur qu'il y en aurait d'autres comme toi, qu'aurait le goût de recommencer, Beaux ou les culottes. Quand tu sortiras de prison, personne voudra savoir ton nom, Beaux ou les culottes. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié, Beaux ou les culottes. Think about it. c'est comme aujourd'hui, tu regardes les oiseaux du paradis, c'est totalement actuel. Il y a rien, oui, il n'y a rien de perdu. Quand on marche dans la ville, c'est sublime. Ça a très, très bien vieilli. Ça a très bien vieilli. C'est touchant. Alors, Brassard, c'est merveilleux. Il reste un théâtre où j'aime aller, c'est le Déjazet, le dernier théâtre qui existait déjà de l'époque de ce fameux boulevard du crime. C'est vrai. C'est vrai. C'est des frissons d'entrée là. Oui, ben il y a de la vie, il y a quelque chose, il y a des personnages encore qui gravitent autour. Il y a des fantômes. Et la mode de cette époque est merveilleuse. Oui. Les gens sont d'une élégance, les costumes d'hommes comme de femmes sont d'une élégance. Si tu étais un mot. Un mot. Ah, voilà une question intéressante. Je reviens sur une idée tout à l'heure, fraternité, c'est le plus beau. C'est vrai. De notre devise, liberté, égalité, fraternité, vraiment, c'est celui qui me touche le plus. Est-ce qu'elle tient encore la route? Les artistes sont là pour ça, pour parler de fraternité. Je ne suis pas quelqu'un de très engagé, mais je m'efforce à ça, quand je suis sur scène, de dire aux gens, on est les mêmes personnes. Cette barrière de la scène et de la salle, elle est complètement fictive. On a la même vie, on est tous nés de la même façon, on mourra tous de la même façon. Entre les deux, serrons-nous les coudes. Mais vous avez aussi, vous les comédiens et les chanteurs, vous avez cette façon de nous faire oublier les moments difficiles aussi. Hein? Les gens qui vont au théâtre, qui vont voir un spectacle, veulent oublier les tracas, leur mère qui souffre, leur grand-père. Oui. Alors d'ailleurs, pas toujours en éludant la question. C'est quelquefois en parlant de ces situations difficiles. Vous dites, ben voyez, on a les mêmes problèmes. Oui. On n'est pas à part de tout. Alors bon, parlons d'autre chose, mais on est semblables, on est frères en ça aussi. Oui, c'est vrai. La souffrance est la même partout. La souffrance est la même. Ouais. Si tu étais un aliment. Celui que je consomme le plus, certainement. Okay. Je suis un fan de pâtes. Okay. J'aime les pâtes. Ben oui, mais toi, t'es italien. J'ai hérité de ça, c'est vraiment dans les gènes. Non, mais ta mère devait faire des pâtes d'une manière assez. Oui, j'aime ça. Ça, c'est ça. Et si tu étais une saison? Ah, le printemps. Le renouveau, hein? Le renouveau. Les fleurs, j'adore les fleurs. Et surtout la projection que l'été arrivera. Oui, c'est ça. C'est la sortie de l'hiver, la sortie de chez soi. C'est le moment où les portes et les fenêtres s'ouvrent. Oui, ça sent bon. On va à la rencontre des gens qui, eux aussi, ont mis des vêtements plus courts. On se retrouve. Des adolescents. C'est des retrouvailles. C'est très adolescent comme sensation. Oui, oui. Si tu étais un membre corporel... La main. Toujours l'humanisme. Hein? Ah oui, tiens. Ah oui. Étymologiquement, c'est vrai. Ouais, serrer la main, prendre le micro, toucher, écrire. Je trouve ça magnifique, une main. Je trouve que très très érotique. Oui. Chez une personne. Pas seulement ce qu'elle fait, mais ce qu'elle est. Oui. Elle est dessinée. Et puis, toutes ces théories, j'en sais rien si j'y crois ou pas, mais de l'avenir qui est inscrit dedans. On a notre vie. Mais les empreintes digitales qui disent tout sur la personne. Elle est d'une puissance folle, puisqu'elle peut aussi bien frapper que caresser. Elle donne et elle prend. Si tu étais un moment de la journée. La fin d'après-midi. Comme maintenant? Un peu plus tard, okay. Avant le dîner. L'apéro. 7-8 heures, oui, l'apéro. Ça sent le moment où la journée est faite. Oui. Et les bouchons s'éclatent. Les jours où on ne travaille pas, par exemple, c'est vraiment le moment où on rencontre les amis, okay. On se retrouve autour d'un verre. Les jours où on travaille, c'est l'heure où on commence à se préparer dans le but de la rencontre avec le public. Oui, oui. C'est le moment où ça fait... La frénésie. C'est le moment où ça se... Oui, voilà. C'est l'excitation de ce qui vient. Si tu étais un autre individu... Ce serait probablement jeune, beau, riche et célèbre. Serait-il heureux? Ouais, mais... Ça, je sais pas. J'ai beaucoup rêvé être autrement, pas être quelqu'un d'autre. Autrement, c'est-à-dire? Autrement, j'aimerais être mieux fichu, j'aimerais avoir plus de succès amoureux, j'aimerais peut-être changer de plus de choses dans ma vie, des choix que j'ai faits, qui n'ont pas forcément toujours le bon, mais pas être quelqu'un d'autre. Je pourrais te répondre en te disant donnant le nom de quelqu'un que j'admire, par exemple. Non, c'est de ces pour sujet. Je sais pas, non. Je sèche là. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? On revient un peu à l'avant-dernière. Peut-être pas. J'ai été paresseux, par exemple. Dans ta vie dans cette vie. Ok. Paresseux. J'ai souvent fait des choix de facilité, quand même. Je pense que si j'étais reconfronté au même choix, j'essaierais de trouver des plus. Je serais pensé un peu plus à l'avenir. Je veux dire, c'est mieux par là. Ok. Okay. C'est fait, peu importe. J'ai pas de regrets, cela dit. Hein, okay. Ok. Mais. J'ai pour l'âge d'en avoir. Non. C'est un tout petit garçon. Oh oui, mais on est toujours un petit garçon ou une petite fille à l'intérieur. C'est important, souvenir de l'enfant. Quoi. Oui, oui, l'enfant. Oui. La ludicité du jeu, c'est ça, hein? Quand tu joues au théâtre, tu es ludique, tu représentes tes personnages. Jouer. C'est propre de l'enfance. Et c'est bien pour un comédien de jouer jusqu'à la fin de ses jours, comme Michel Bouquet. Que faire d'autre? Oui. Tu pourrais plus être prof de maths maintenant. Non, ce serait difficile. J'ai tout oublié. Oh, oui, mais c'est mieux, comme le chantait Charles Aznavour, d'oublier, parce que ça nous amène à autre chose. Oui, et puis j'espère avoir de belles surprises encore. La vie n'est pas terminée. On est loin de là. Non, tout recommence. Et quand bien même je devrais renoncer à ce métier parce qu'autre chose se présente, j'espère avoir l'intelligence ce jour-là d'accepter ce défi, ce clin d'œil de la vie, parce qu'il y aura certainement des choses à prendre et à savourer. Pas m'enfermer trop dans la routine. Ben c'est ça, le conformisme, hein, ça nous endort et ça nous fait faire la même chose continuellement. Il faut être vigilant, il faut voir, il faut regarder ce que la vie donne. Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, oui. Et prêt. Ben oui, mais ça met du temps, à avoir cette vision-là. Cette disponibilité. Oui. Ben avec le temps, comme le chantait Ferré, hein, avec le temps, on apprend de nos erreurs et on ne veut pas les répéter. C'est peut-être ça aussi. C'est exceptionnel. C'est ça l'âge adulte. C'est peut-être ça le but. Après conscience. Ben parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprendront jamais de leurs erreurs et leur vie sera jonchée de problèmes puisqu'ils vont répéter constamment. Et c'est peut-être ça aussi pour certains. Hein. Frapper toujours au même problème. Oui, il y a des boucles infernales, il y a des cercles vicieux qu'on voudrait rompre. On veut quelquefois une vie à rompre. Ouais, et même jamais. Des addictions. Des vieux travailleurs dans lesquels on retombe toujours. Ça, je pense qu'effectivement, l'âge aide à casser ça, ce systématisme. Puis surtout que certaines choses sont assez essoufflantes, donc si on veut consacrer de l'énergie à autre chose, il faut abandonner certaines. Oui, il faut être disponible. Oui. Il faut trouver sa propre liberté. C'est vrai. C'est l'affaire d'une vie. Et son énergie intrinsèque. Oui. À l'intérieur. Ah, mais Denis, j'étais très content de te rencontrer. Ah, mais alors, mais moi aussi. Écoute, on t'a découvert, on va pouvoir t'écouter aussi via Internet parce qu'il y a des. On peut t'entendre sur YouTube. Oui, il y a des petites vidéos postées à droite à gauche. Oui. Et puis, sinon, faut... Peut-être du Michel Tremblay à Québec ou à Montréal. Oh là là. Parce que tu sais qu'il y a un festival de théâtre à Québec assez extraordinaire. Il y a des troupes de la France et de Paris qui viennent jouer chez nous. Eh bien, alors, il faut qu'on vienne. Ben oui, c'est ça. Des troupes ou des organisations. Donc, France-Québec, ça existe, hein? Ben bien sûr, c'est... Alors, on va... Mais de toute façon, je ne serai pas trop de temps passé avant de venir, ne serait-ce qu'en ami. Oui, c'est ça, venir voir de quoi a l'air notre... Et en amoureux de ce pays. Oui, et surtout de voir comment Gilles Vigneault a vécu... Ah là là, quelle merveille. Moi, je l'ai vu, au Déjazé, justement. Oui. On en a parlé. Oui. Plusieurs fois, ça a été... Et faire le tour de l'île de Félix Leclerc, tu vas voir que tout est merveilleux. Tout est merveilleux dans ce coin-là. Ben, Denis, heureux de t'avoir rencontré à Paris. Pareillement. À Paris, on est à Paris. On est dans le centre. À l'angle de la rue des Abbesses et de la rue André-Antoine. Oui. Est-ce que tu viens souvent ici? Pas trop. C'est pas... Moi, je suis plus du côté dixième. Moi, c'est le canal Saint-Martin. OK. Mon lieu de vie de balade. Tu t'en plus à l'aise. Je vais beaucoup. Ben, c'est mon quartier. Mais qu'est-ce qui te plaît moins ici? Rien me plaît moins, c'est que j'aime beaucoup le canal. Okay. Non, c'est la partie de Montmartre qui est encore un peu préservée, c'est pas trop... Touristique. C'est un peu moins quand plus en bas, Pigalle, etc. Okay. Là, c'est encore assez authentique. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah, tu parles ici de Pigalle, hein? Oui, plus bas, oui. Ah oui, ok, oui. Ça a plus grand sens. Ah, c'est vrai, mais j'y vais souvent, puis c'est pas loin, c'est à côté. Ah ben oui, c'est juste en bas. Puis c'est tellement extraordinaire, le Moulin Rouge et tous ces... Ah ben c'est des institutions. Eh oui. Et ça a très bien vieilli, hein? C'est un folklore, oui, je pense que ça reste des choses. Mais la nuit, c'est extraordinaire. La nuit, c'est fascinant, oui. C'est notre, il faut visiter ça, la c'est nuit. C'est le coin des... C'est notre quartier de néon, comme Londres à Piccadilly. C'est vrai. Et New York à Broadway, oui. Effectivement. C'est le coin des néons. Ben, Denis, heureux de t'avoir rencontré. Pareillement. Mais t'es un être extraordinaire, humaniste, et je suis pas déçu de t'avoir rencontré. Je te connaissais à travers tes œuvres, à travers tes apparitions radiophoniques, et à chaque fois que je vois ton nom à l'affiche, je l'écoute et ça me rassure, puisque je sens en toi quelqu'un de vivace, de vivant et d'intègre. Bon, c'est vraiment, ça me touche beaucoup. Ben, c'est sincère. J'espère qu'on se reverra. Oui, à Québec. À Québec, enfin, oui, volontiers. Merci. À la voyure. Poignée de main, hein, Ben oui. À la voyure. Et on va prendre une photo. Oui, avec plaisir. Parce que quand l'émission sera présentée, ben on va montrer les photos. Ça va, tu me diras. Ben oui, je vais tout envoyer. Ne t'en fais pas. Même s'il y a des liens pour écouter ça. Tu vas entendre la rencontre originale avec ce qui a été inclus dans l'émission. Parce que ce que je fais là sera présenté d'une manière intégrale, mais à travers des improvisations. D'accord. Donc tu vas voir, c'est une mission explosive. Bon, très bien. Alors, voyons. Une autre, on sait jamais? Oui.